me laisse entrevoir le jour. Et puis tu t'en vas. Et puis tu t'en vas. Alors, tu me laisses entrevoir le jour. Et puis tu t'en vas. Non mais